un foulard, ticket d'anonyme, ce pauvre teint blafard. C'est à nous qu'il fait signe, donnez-lui un foulard, qu'il se brise le cou, cacher cette imposture aux yeux des pauvres gens. Ce bon bout de tissu limitera le murmure, pêchera la honte. Ce pauvre teint blafard. C'est à nous qu'il fait signe, à chaque nouveau miroir la disgrâce. Elle se pose, elle s'encadre. Il fait chaud, il fait sec. Donnez-lui un foulard, un vieux cache-misère. Qu'il ait pitié de nous. C'est indécent, couvrez, jetez-en par-dessus, par-dessus, couvrez, c'est indécent, en exil. Le passé a du bon, inviolable, sans signe. Check.